Chapitre 7 de la ville. L'on se donne à Paris sans se parler, comme un rendez-vous public, mais fort exact, tous les soirs, au cours ou aux Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres. L'on ne peut se passer de ce même monde que l'on n'aime point et dont l'on se moque. L'on s'attend au passage réciproquement dans une promenade publique. L'on y passe en revue l'un devant l'autre. Carrosses, chevaux, livrées, armoiries, rien n'échappe aux yeux, tout est curieusement ou malignement observé. Et selon le plus ou moins de l'équipage, où l'on respecte les personnes, où on les dédaigne. Chapitre 8 de la cour. L'on dit à la cour du bien de quelqu'un pour deux raisons. La première, afin qu'il apprenne que nous disons du bien de lui. La seconde, afin qu'il en dise de nous. Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire ni à déplaire aux favoris, uniquement attaché à votre maître et à votre devoir. Vous êtes perdu. Que d'amis, que de parents naissent en une nuit au nouveau ministre. Les uns font valoir leurs anciennes liaisons, leur société d'études, les droits du voisinage. Les autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu'à un trisaïeul, rappellent le côté maternel et le paternel. L'on veut tenir à cet homme par quelque endroit. Et l'on dit plusieurs fois le jour que l'on y tient. On l'imprimerait volontiers. C'est mon ami, et je suis fort aise de son élévation. S'il doit prendre part, il m'est assez proche. Hommes vains et dévoués à la fortune, fades courtisans, parliez-vous ainsi il y a 8 jours? Est-il devenu depuis ce temps plus homme de bien, plus digne du choix que le prince en vient de faire? Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux connaître? L'esclave n'a qu'un maître. L'ambitieux en a autant qu'il y a de gens utiles à sa fortune. Qui considérera que le visage du prince fait toute la félicité du courtisan, qu'il occupe et se remplit pendant toute sa vie de le voir et de l'être vu, comprendra un peu comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur des saints. Avec 5 ou 6 termes de l'art et rien de plus, l'on se donne pour connaisseur en musique, en tableau, en bâtiment et en bonne chère. L'on croit avoir plus de plaisir qu'un autre à entendre, à voir et à manger. L'on impose à ses semblables, et l'on se trompe soi-même. Celui qui, un beau jour, s'est renoncé fermement ou à un grand nom, ou à une grande autorité, ou à une grande fortune, se délivre d'un moment de bien des peines, de bien des veilles, et quelquefois de bien des crimes. La ville dégoûte de la province. La cour détrompe de la ville et guérit de la cour. Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la retraite.